c'est une recherche qui a un démarrage ancien. En gros, je vous mets à peu près l'époque du démarrage, c'est-à-dire 1996. Quand je fais une enquête de terrain ethnographique à travailler sur les chaînes d'une usine automobile. Et donc j'ai travaillé pendant 3 mois sur 2 chaînes différentes et je vois des choses. Je fais une entrée un peu longue et fastidieuse, qui me paraît fastidieuse. Je fais tout le circuit d'entrée ordinaire des salariés et je vais faire ma visite médicale. Et je trouve que c'est vraiment du temps perdu par rapport à ce que je voulais faire. Et à la visite médicale, je vois quelqu'un qui passe sa visite annuelle et à qui on fait manipuler l'appareil qui est là, dont j'ai oublié de réviser le nom. Dynamomètre. Pardon ? Dynamomètre. Dynamomètre 2. Voilà, il y a le nom d'un tubi qui a inventé ce truc-là. Et donc on lui fait faire ça. Et je trouve ça amusant parce que c'est quelqu'un qui était chef d'équipe. Et donc, je me dis, pourquoi est-ce qu'on fait passer un truc comme ça ? Et l'infirmière me dit, il y a beaucoup de gens qui demandent à le passer. Donc, c'était amusant. Je lui dis, c'est un très, très bel objet, ça m'intéresse beaucoup. Et voilà. Et le lendemain, je reçois ça dans une enveloppe sur la chaîne, à mon poste de travail. L'infirmière me faisait cadeau de cet objet. Et donc, c'est un objet qui sert quand même assez nettement à mesurer qu'est-ce qui reste comme force dans les doigts. Des gens qui travaillent de leurs mains. Voilà, donc c'est juste en écho. Après, voilà une gravure qui est une gravure de. Bon, j'ai déjà fait sauter le plein écran. Gravure d'un article scientifique de 1864. Donc d'un médecin. Fait toute une publication sur les pathologies de la main. Et dans ces pathologies de la main, donc, il dessine de façon assez belle. Merci beaucoup. Je ne vais pas faire ça à chaque fois. Qui dessine là une main qui est abîmée non seulement sur la peau, mais on voit bien que c'est sous la peau aussi qu'il y a des tas de choses qui ne vont plus bien. Et c'est la première, je crois, pour l'instant en tous les cas, c'est la première publication qui se focalise, non pas sur des maladies professionnelles, mais sur une partie du corps et qui examine toutes les pathologies qui peuvent exister sur la main. Voilà. Donc, je vais faire quelque chose qui sera un peu régressif. Là, en histoire régressive, ça veut dire qui part du présent et qui remonte dans le passé. C'est quelque chose assez que je maîtrise mal parce que on peut pas faire en reculant. On est obligé de prendre des périodes, donc je suis obligé de faire des options de périodes pendant lesquelles je dis au début de cette période-là les choses sont dans tel état et à la fin de la période les choses sont dans tel autre état. Et de fait. Pour ce qui est de ce sujet, il y a plusieurs choix de repères possibles qui ne sont pas tout à fait simultanés. Il y a premièrement un repère qui serait la situation des gens qui travaillent, situation des travailleurs, et donc essayer de faire une histoire sociale des maladies des maladies périarticulaires pour l'instant. D'une certaine façon, c'est le plus difficile à faire. Je vais un peu expliquer pourquoi, mais c'est le plus difficile à faire. Il y a un deuxième repérage possible, et qui est un peu moins compliqué, c'est l'histoire des connaissances scientifiques, ou des expertises, et des jeux d'expertise, et des échanges entre savants, sur qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on pense, et comment on caractérise les pathologies périarticulaires. En sachant que pathologie périarticulaire, c'est une formule de médecin de la fin du XXe siècle. Hein? Voilà. Et il y a une troisième façon, qui est de dire qu'est-ce que disent les textes, qu'est-ce que disent les règles, qu'est-ce que disent les lois. Donc un repérage plutôt institutionnel, administratif, réglementaire. Et selon le choix qu'on fait de dire je vais plutôt centrer sur ceci ou sur cela, on arrive à essayer de construire des périodisations différentes dans cette histoire-là. Voilà donc un peu, je vous ai mis dans une perplexité, mais c'est un peu celle dans laquelle je suis pour une partie. Pour le passé proche, ça n'est pas très compliqué, et donc je vais commencer par partir du passé proche, qui me permettra de voir des interférences, des interactions. Sur l'objet lui-même, ce qui m'a interloqué, c'était ça. Ça, c'est une photo de 1998 ou 99. Avec un souci humain, social, bienveillant, esthétique. En gros, pour dire un peu la préoccupation du photographe. Une commande de l'entreprise. Et dès qu'on regarde les choses un peu soigneusement, on voit qu'il y a, il y a des bizarreries. Je vais faire dialoguer ces deux photographies qui, pour moi, sont extrêmement significatives, extrêmement parlantes. En gros, là, vous avez un geste, une personne, une opération qui sont fixées en 68. C'est la même chaîne, hein. C'est le même endroit. Et vous avez là quelqu'un qui prend un outil d'une façon tout à fait extraordinaire. Hein, si quelqu'un a vissé avec une visseuse électrique, il fait le contre-geste. Donc en gros, il fait supporter à son pouce tout l'effort qu'on fait supporter d'abord, en général aux quatre doigts de la main. Donc il y a une concentration d'effort énorme. On imagine bien ce qui va se passer. Là, il va y avoir une PMS à relativement grande vitesse. Pour quelqu'un qui travaille comme ça, c'est assurément quelqu'un de très costaud. Tout le monde ne peut pas prendre un outil à contresens comme ça. Mais la cadence de défilement des voitures, donc la répétition du geste est un peu moins forte qu'en 68, deux ou trois fois moins forte qu'elle l'est en 96. Mais enfin, quand même, on a très probablement de la maladie, un type de maladie périarticulaire en devenir pour cette personne-là. Et pourquoi est-ce que c'est quand même quelque chose qui fonctionne? Parce que en gros, cette époque-là, quand on regarde les statistiques de mobilité dans l'entreprise, on voit qu'il y a un turnover gigantesque, et notamment un turnover énorme dans ces endroits de travail, de fabrication. Ce sont les ouvriers spécialisés de l'époque. Donc d'une certaine façon, s'il a un TMS, on le changera de poste. Et si on n'arrive pas à le changer de poste, ben, il prendra son compte et il ira travailler dans le bâtiment. Ou ailleurs, si vous voulez. Mais il y a une forme de régulation qui fonctionne bon an, mal an, et qui est une régulation implicite. C'est-à-dire que dès qu'on regarde très soigneusement, on voit des interstices dans les archives, on voit des interstices d'une loi qui est une loi implicite qui dit qu'à 40-45 ans, on quitte la chaîne. C'est une règle, au point que des chefs d'équipe s'excusent quand ils se font prendre à partie par des délégués, parce que quelqu'un sur la chaîne a plus de 45 ans. Et ils s'excusent d'avoir gardé quelqu'un. Vous voyez, on trouve que c'est une règle extrêmement forte, implicite, mais qui fonctionne et qui exprime cette espèce de régulation qu'on oublie, à mon avis, enfin, qu'il faut vraiment prendre très, très, très au sérieux. C'est que les questions de travail sont indissociables des questions d'emploi. Et là, on a une forme de relatif équilibre entre une organisation du travail qui est extrêmement sollicitante, extrêmement éprouvante, qui consomme des corps à rythme très rapide, et le fait qu'on fait défiler les corps à cadence relativement rapide dans cet emploi-là. Je reviens donc j'avais dit 98, vous voyez, 99. Donc là, on a le même endroit, une opération très très voisine, hein, parce que c'est à l'intérieur de la voiture, c'est pas sous le tableau de bord, mais c'est juste à côté le truc qui tient le levier de vitesse. Et vous avez là, l'esthète a vu quelque chose de très bien, c'est un très beau geste de travail. Parce que là, au contraire du cas précédent, il y a une personne qui répartit le plus possible la torsion du corps qu'il va falloir faire pour glisser. Un jeune se serait précipité, le dos en avant, aurait foncé, appuyé comme ça, et d'ailleurs c'est ce qui se passe quand les jeunes font, ils plongent dans la voiture, hop, ils vissent, ils ressortent, et le dos ne tient pas très très longtemps. Et là, vous avez une personne qui a plus de 45 ans, qui est restée en chaîne, qui a été remise en chaîne, quelquefois, on a des cas de gens qui ont été sortis de chaîne puis qui ont été remis parce que, à partir des années 80, l'emploi a été fermé, l'embauche a été fermée, pardon. On a dit aux gens, maintenant, désolé, on ne veut pas vous licencier, donc on va chercher les moyens de vous faire travailler jusqu'à la retraite dans ces postes-là. Donc on va essayer de trouver des formules économiques, etc. La formule ergonomique, on ne la voit pas. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une intelligence d'économie de soi extrêmement forte de la part de salariés qui savent qu'ils sont là alors que leurs prédécesseurs auraient été sortis. Et non seulement ils sont là, mais ils en ont encore pour 4, 5 ou 10 ans. Donc là, elle fait à toutes les étapes de la colonne vertébrale un peu de torsion. Et le bras en absorbe une partie seulement. Voilà donc comment on a à propos de l'histoire du travail, l'histoire des transformations et de l'activité des ingénieurs, on a, je pense, quelque chose de très important qui me semble relativement emblématique de ce qui s'est passé du point de vue général dans la question des TMS depuis... Depuis, je ne sais pas exactement combien d'années. Mais en gros, là, je bascule à un volet qui est l'histoire administrative, réglementaire, de ces pathologies depuis 1972. La deuxième séquence, donc, après cette... depuis 1972, qu'est-ce qu'on peut dire du point de vue de l'histoire de ces pathologies périarticulaires? Eh bien, 1972, c'est la première date à laquelle on a des chiffres généraux là-dessus. Puisque avant, pour le point le plus sensible de ces pathologies, il n'y avait pas de chiffres, il n'y avait pas de reconnaissance administrative, il n'y avait pas donc de formalisation administrative du problème. Alors, ce que je dis est tout de suite à corriger. Des pathologies périarticulaires, on en a présente, la Sécurité sociale en a dans plusieurs tableaux. Hein, les tableaux, ce sont donc les catégories qui permettent la déclaration de maladie professionnelle et éventuellement la reconnaissance de ces maladies professionnelles. Le tableau le plus important, et c'est celui-là dont je parle, donc je ne parle pas de toutes les pathologies périarticulaires, mais je parle de celles qui aujourd'hui sont le volume le plus important, c'est le tableau 57, maintenant en plus il est subdivisé, mais ce tableau 57 recouvre une grande partie des pathologies périarticulaires qui sont liées aux gestes, et un peu aux postures. Donc avant 72, il n'y a rien, et je renvoie à la question, qu'est-ce qui se passait quand il n'y avait rien? À la séquence suivante. En 1972, apparaît une pathologie unique qui ressemble à ça, c'est l'hygroma du genou. Donc, maladie que l'on acquiert, si on peut dire, en travaillant à genoux, comme le font les gens qui travaillent sur les moquettes, les parquets, les carrelages et les pavés. Et cette pathologie, donc, est la première pathologie périarticulaire qui se voit dotée d'une possibilité de reconnaissance. Et vous pouvez voir qu'il y a, à partir de la première année 73, donc celle qui suit le décret, une évolution modérée dans les bâtons rouges, un peu plus visible dans l'autre échelle que j'ai utilisée parce qu'elle me semble intéressante à mettre en dialogue. C'est une échelle logarithmique, c'est-à-dire une échelle qui s'émancipe des énormes écarts de valeur absolue et qui permet de voir surtout les variations. Et donc on voit dans la courbe bleue que ça commence à monter, même si ça ne se voit pas dans les chiffres absolus des colonnes en rouge. Il y a discussion dans l'instance administrative où on discute de ça. Le Conseil supérieur des maladies professionnelles, je crois, je n'ai pas révisé les choses exactement, mais il y a discussion pour savoir si on accepte d'autres pathologies qui sont connues, qui sont étudiées, sur lesquelles on s'interroge depuis X temps. Et finalement, en 1982, arrive une redéfinition du tableau qui donne droit à demande de reconnaissance et à indemnisation en cas de reconnaissance, où, en plus du genou, on fait rentrer des maladies du coude, du poignet et de la main, qui sont des tendinites ou des compressions de nerfs. Et là, ça renvoie à quelque chose qui n'est pas les postures comme les parquetteurs ou les gens qui travaillent sur les pavés, mais ça renvoie à des gestes répétés de façon excessive. Et on voit bien que là, il y a une traduction un peu sensible. Il y a comme un petit saut en 83. Ça se voit dans les deux courbes, la rouge et la bleue. Et puis, quelque chose de relativement horizontal. Et puis, dans la fin des années 80, une reprise de l'augmentation. Troisième temps, donc la troisième flèche verticale qui est au milieu du graphique, en 1991, après de nouvelles discussions dans cette instance du ministère du Travail où on discute de la définition administrative des tableaux, arrive une nouvelle extension des pathologies qui vont être admises à reconnaissance. Donc là, on ajoute les épaules, on ajoute les chevilles, ça fait toute une série de localisations du corps qui sont susceptibles d'être indemnisées. On accepte non seulement les tendinites et les inflammations, mais aussi des pathologies articulaires proprement dites. Et puis, deux changements importants, on accepte que tous les types de pathologies soient reconnus pour chacune des articulations. Avant, c'était les compressions pour le genou, les tendinites pour le coude, etc., ou la main. Et là, on dit, chaque fois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la compression, de la tendinite, les tissus mous qui sont abîmés, ça peut être reconnu. Et il y a une définition générique qui est la définition d'excès de sollicitation dans des postures et dans des répétitions de gestes. Donc là, pour la première fois, on sort de façon nette d'une définition quasi chirurgicale disant tel type de pathologie à tel endroit, ça n'est pas pareil que tel autre type de pathologie à tel autre endroit. Ce qui est un débat de fond. Mais enfin, l'administration, là, du ministère du Travail, et donc celle de la Sécurité sociale, franchissent le cap. Et on aurait tendance à dire, et ben voilà le résultat, c'est que le changement de définition entraîne une accélération, en gros, effet d'aubaine. Il y a une nouvelle catégorie, les gens en profitent, se précipitent, et le temps qu'ils l'apprennent, on a une augmentation énorme. Ça n'est pas si simple que ça. C'est souvent le discours, on retrouve ça dans toute une série d'études d'experts de la sécurité sociale, et ça n'est pas si simple que ça. D'abord parce que l'effet d'aubaine ne cesse pas. Normalement, un effet d'aubaine, c'est un moment, et puis après, ça se stabilise. Or, ça ne se stabilise pas dans les années 90, et même dans les années 2000. Mais maintenant, si je n'ai pas les chiffres récents, je n'ai pas répertorié les chiffres récents, mais si l'accélération s'est un petit peu atténuée, l'augmentation continue aujourd'hui. Donc, l'explication par l'effet d'aubaine ne suffit pas. Et deuxièmement, avant le changement de classe administrative en 91, il y a eu une augmentation assez nette. Donc dans les années 89-90, on a une augmentation nette avant ce qu'on pourrait être l'effet d'aubaine. Donc il y a un phénomène qui est relativement autonome pas indépendant, mais relativement autonome de la définition administrative de ces pathologies. Voilà un peu quelques éléments que je voulais faire sur le côté administratif. Je voudrais faire des remarques sur l'aspect expert et scientifique. Et là, je vais essayer. Je crois qu'on va pas trop se chevaucher avec Annette Leclerc. Quelque chose d'amusant, c'est qu'une partie de l'histoire que je vais raconter, elle l'a non seulement vécue, mais un peu faite. Donc, on va essayer de ne pas se répéter trop. C'est comme ça. En tous les cas, une histoire savante, ma chère. Je rebondis sur la remarque qui avait été faite par les intervenants précédents sur la question de l'information. La science là-dessus n'est pas forcément en avance sur d'autres formes de connaissances, et notamment je pense à des connaissances syndicales. Moi, j'avais été soufflé en 1996 de voir que, observant l'organisation du travail, je ne pensais pas en termes de pathologie périarticulaire, pas du tout en termes de TMS. On tombait sur des médecins du travail qui, eux, avaient une grosse longueur d'avance, parce qu'ils bâtonnaient les TMS, donc ils les décomptaient progressivement en 1996. Et dans les archives, on voit qu'en 1991, la CGT diffuse un 4 pages informant les travailleurs de l'usine sur ce que c'est que des TMS. Donc de l'information, de la vulgarisation. Donc là, j'étais en train de vivre le fait qu'en chercheur en sciences sociales, j'étais très très très en retard sur les acteurs de terrain. Et je n'étais pas le seul. Quand on regarde les choses, en 91, il n'y a pas énormément de monde dans les sciences, sociales et pas sociales, sociales et médicales, qui sont un peu informés du fait qu'il y a problème, ou réfléchissent au fait qu'il y a un problème particulier. Et donc cette histoire-là, que j'avais expérimenté d'être sciences sociales très en retard sur les acteurs de terrain, j'étais amené à l'explorer quand j'ai voulu un petit peu voir comment, qu'est-ce qui accompagnait ce changement administratif. Ce changement administratif est forcément accompagné par un changement du regard expert, parce que l'administration, que ce soit celle du ministère du Travail ou celle de la Sécurité sociale, requiert des experts, et ces experts sont parmi les scientifiques, donc il y a interférence. Et je suis allé rechercher où les choses, où on voyait des traces d'émergence de nouveaux regards sur ces pathologies. Et pour l'instant, en tous les cas, il y avait trois traces qui étaient assez nettes, assez visibles. Une première trace qui était autour des médecins du travail, médecins inspecteurs du travail des Pays de Loire, qui cherchent des pathologies chimiques, empoisonnement, et qui tombent sur des pathologies périarticulaires. Donc c'est pas prévu, tombent dessus, et intelligence savante se dit il y a un problème. Donc déjà font le constat du problème et se mettent à réfléchir à ce problème-là. Donc après, on connaît beaucoup cette équipe-là, autour d'Annie Touranchet et Yves Roclore, mais les deux d'ailleurs commencent à découvrir ça en cherchant autre chose. Et ils le relèvent, ils le pointent, ils publient là-dessus, sur le fait qu'il y a dans des branches beaucoup de pathologies périarticulaires. Je veux dire par là que la première caractérisation, c'est une caractérisation statique. Ils disent qu'il y a beaucoup de problèmes. Ailleurs, en Lorraine, on a un autre endroit où ça réagit, qui est un endroit autour de la CFDT, où il y a un permanent syndical qui est un médecin et qui a fait un peu d'épidémiologie et qui a milité un peu sur la santé au travail. On le voit dans le livre Les risques du travail comme co-éditeur important en 82. Mais il était spécialiste de la silicose et il tombe là-dessus et il fait attention et de façon un peu empirique, il lance des enquêtes quasi épidémiologiques. Lucien Privé. Donc voilà quelqu'un d'autre qui arrive dans l'histoire. Et avec quelqu'un qui est à l'INRS, ils se mettent à travailler de façon forte à identifier, et eux ont un atout extrêmement important, c'est que par l'INRS, ils sont en connexion avec les publications internationales. Donc ils se précipitent sur qu'est-ce qui est publié dans le monde là-dessus. Et ils tombent sur énormément de publications récentes. Donc certaines qui sont des grosses publications très marquantes. Oui. Peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand les syndicats se sont mis à s'intéresser à ces questions-là, moi, mon interprétation, c'était qu'ils étaient en relation avec leurs homologues de d'autres pays et que les réseaux européens de syndicats étaient déjà mobilisés sur ces questions-là. Alors c'est possible, mais pour les endroits où... Ça n'est pas venu comme ça de France tout seul. Tu veux dire 91 par exemple, la CGT en 91, c'est possible. CFDT. Oui, alors si tu veux, CFDT, celui que je vois... la généalogie de sa sensibilité à ça, je pense qu'elle est un peu différente. Il est militant dans un truc d'extrême gauche que je connais bien, que deux autres ici connaissent bien. Et il y avait une organisation qui s'occupait de santé au travail. Mais j'ai l'impression que les syndicalistes qui étaient au premier congrès Prémus, je pense que c'était au premier congrès Prémus à Copenhague, non pas à Copenhague, à Stockholm, oui. Alors l'année, faut vérifier. Ils étaient déjà sur cette question depuis un petit moment parce que d'autres collègues de d'autres pays étaient sur cette thématique déjà. Eh bien là, ma connaissance s'arrête. Ce serait à explorer alors. À explorer. Il n'y a peut-être pas de trace écrite de ça parce que. Mais tu m'as dit que tu avais tous les participants à ce congrès. Donc, je sais très bien, il y avait très très peu de participants qui parlaient français, donc on a eu le temps de discuter cette année-là. Excuse-moi, je voudrais donner une précision au niveau CGT, puisque je faisais partie de l'équipe confédérale Travail Santé avec Serge Fou à cette époque-là, et on axait notre travail sur la question du travail. Et c'est pas les chiffres, c'est pas, il y a eu concordance avec ce qui se passait en Europe. Mais ça partait de notre propre travail, sous les postes de travail, avec les camarades, les travailleurs qui travaillent sur ces postes de travail. Et on a vu, avec les médecins de travail aussi, dont je suis, qu'il y avait une augmentation de ces problèmes-là. Oui. Et après, on a concordé avec l'Europe, comme j'ai un mandat européen sur le centre de travail, il y a eu, entre guillemets, une épidémie des troubles musculosquelettiques qui n'a fait qu'augmenter au niveau de toute l'Europe. En gros, ce que je propose, c'est de laisser... C'est une très grosse question de l'attitude syndicale, une question beaucoup plus complexe que quelquefois on le dit, sur l'histoire de la sensibilité syndicale à ces questions de santé. Donc, on laisse ça. Moi, je dis, en toute modestie, les repérages auxquels je suis arrivé, mais je sais que... En gros, je sais que depuis 2 ans, ce travail-là n'a pas avancé et je sais que c'est un chantier à continuer à continuer. Et notamment sur la question des interférences entre syndicats au pluriel, à échelle variée d'ailleurs, en multipliant et science, d'une certaine façon, et expertise. Là, en gros, en tous les cas, l'INRS se met à travailler là-dessus, dans une logique qui est à ce moment-là celle de l'INRS, c'est-à-dire d'essayer de faire le job tel qu'il est pensé à ce moment-là, essayer de voir quelles sont les conditions dans lesquelles le travail peut se faire convenablement et quelles sont les conditions dans lesquelles il ne peut pas se faire convenablement, c'est-à-dire essayer scientifiquement de voir s'il y a des seuils de tolérance à cette question du point de vue de la répétition, de la charge, de toutes les formes d'effort. Troisième endroit, c'est l'ANACT, où on voit remonter dans l'ANACT, dans la structure de l'ANACT, il y a des gens qui font à ce moment-là des enquêtes rapides, des pré-enquêtes, et qui proposent donc aux entreprises des enquêtes plus lourdes. Et 2 années après la Lorraine et les Pays de Loire, arrive dans l'ANACT toute une série de remontées, entre guillemets, si on prend une logique un peu pyramidale, de remontées, de remarques disant, là, de façon dynamique, il y a de plus en plus de questions de PMS. enfin, ou d'affection périarticulaire. Donc là, ils disent, il y a un problème, et surtout, il y a un problème nouveau, un problème montant. Et eux, essaient, donc, ils mettent des efforts là-dessus, et ils disent, ces efforts-là, on va les focaliser sur ce qui est un peu le cœur de métier de l'ANACT, c'est-à-dire les questions de l'organisation du travail. Donc, là arrive un dialogue qui s'établit, et même pas un dialogue, une controverse, et quelquefois une polémique, entre ces deux façons de donner de l'importance à ce phénomène nouveau, entre les tenants INRS de l'époque qui disent on cherche les aspects physiologiques, et les tenants de l'ANACT qui disent on cherche les aspects liés à l'organisation du travail. Je dis polémique, la polémique ne va jamais très très loin parce que de fait ces gens-là sont sensibles au rapport avec les syndicats. Ils interviennent dans des formations pour des experts santé au travail dans les syndicats. Et finalement, je pense que cette disposition d'expertise, non pas tournée directement vers l'administration, mais vers des acteurs plutôt syndicalistes, font qu'ils ils arrivent à trouver un arbitre à ça. Et l'arbitre à ça, c'est l'épidémiologie. Hein, et donc le lancement d'enquêtes épidémiologiques dans lesquelles les préoccupations d'un acte sont prises en compte et les préoccupations de l'INRS sont prises en compte avec des arbitrages compliqués, des discussions qu'Annette pourra raconter pendant le repas, mais enfin voilà, une discussion vraiment sur le fond extrêmement intéressante, importante, parce qu'on voit comment un débat aurait pu tourner en pas en pugilat, mais en antagonisme, parce qu'il y avait de quoi faire des antagonismes scientifiques, et les dispositions d'expertise, donc les dispositions vis-à-vis de la société, les dispositions de ces gens qui sont en position de connaissance et de recherche scientifique vis-à-vis de la société, font qu'ils trouvent les modalités de contribuer ensemble aux premières enquêtes épidémiologiques, qui ont un rôle majeur parce que ce sont les enquêtes épidémiologiques qui font valeur d'expertise du point, en direction de l'administration. Peut-être un petit complément par rapport à ça. Effectivement, l'ANACT était tout à fait intéressée à l'époque à mettre en évidence des facteurs liés à l'organisation du travail, en disant, en gros, dans tel secteur, dans tel autre secteur, on retrouve les mêmes facteurs d'organisation du travail. Et c'est ça, vous, les épidémiologistes, qu'il faudrait que vous arriviez à mettre en évidence. Et alors, je reprendrai cette question-là ce soir. On n'était pas, à l'époque, vraiment capable, spécialement du point de vue statistique, de fournir des modèles qui auraient permis de prendre en compte très proprement les facteurs d'organisation. Non, les facteurs d'organisation du travail qui sont les facteurs collectifs. C'est-à-dire que à l'époque, les épidémiologistes n'avaient pas les outils STAT pour aller plus loin qu'une approche individuelle, quoi. Au niveau des sujets, mais pas trop au niveau des collectifs de travail. Du coup, on a sous-analyser les données. On était d'accord avec eux sur l'idée qu'il y avait des facteurs collectifs, mais en même temps, on avait ces variables-là, ont été mesurées, et en même temps, on a été très embêtés après à savoir quoi en faire. Alors, j'ai rigolé parce que, bien sûr, par rapport à ce qu'on est capable de faire après, en gros, tu as un discours que j'appelle téléologique, c'est-à-dire que vu le point où vous en êtes arrivé après, vraiment, c'était pas formidable. Mais par rapport aux enquêtes antérieures, c'était énormément formidable. C'est-à-dire par rapport aux enquêtes qui avaient déclenché des choses précédemment, c'était d'une puissance de conviction très importante déjà. Puissance de démonstration de conviction scientifique. Donc, moi, je trouve que, bien sûr, ça a été amélioré après ou sophistiqué, consolidé, mais c'était déjà très important. C'est pour ça que je m'amusais, parce que le mieux d'après n'empêche pas le caractère marquant de cette enquête. Donc c'est une enquête publiée en 1996. Il y a eu plusieurs. Oui, après, parce que les équilibristes aiment bien publier. Oui. Voilà, alors je reviens sur la question internationale. Donc là, tout ce travail-là de réflexion, donc qui se fait à partir de pôles d'expertise différents, qui coopèrent, se fait en gros en interférence avec, avec notamment les pays anglo-saxons, et sortent encore des publications, dont une très marquante aux États-Unis, marquante parce qu'elle établit de façon forte et décisive aux États-Unis le fait que la répétition, l'excès de répétition et l'excès de pression de l'organisation du travail, notamment dans la branche automobile, est décisif dans la survenue de pathologies de TMS, ou en tous les cas de pathologies périarticulaires. Et c'est décisif aussi parce qu'aux États-Unis, ces questions-là sont beaucoup plus conflictuelles. Les questions de controverses scientifiques sont beaucoup plus conflictuelles qu'elles ne le sont, notamment en France. Donc, soit on tient le conflit scientifique, soit on ne tient pas. Et là, c'était une publication, une recherche qui tenait scientifiquement face à l'adversité, c'est-à-dire face à des experts plutôt côté patronal. Et c'est aussi pour ça que, ayant gagné sur ce terrain scientifique américain, cette publication a emporté une légitimité scientifique internationale extrêmement forte. Et là, pour référence, là on voit quelque chose qui n'est pas international mais qui est transnational. Alors c'est une formule très très à la mode dans les sciences sociales et en tous les cas en histoire, le fait qu'il soit absolument indispensable de parler de transnational. Mais on voit là qu'il y a, du point de vue de la circulation des préoccupations et des conquêtes d'expertise, quelque chose qui est vraiment de l'ordre du transnational entre scientifiques du monde anglo-saxon, du monde européen, surtout nord, mais aussi de l'Amérique latine. Et puis quand on regarde un peu, on voit qu'en Australie aussi, il y a des publications qui font état à la fois d'un phénomène nouveau et à la fois d'interprétations nouvelles. Point extrêmement important, qui est le dernier en gros sur cette histoire récente, c'est le fait que je prends une formule d'une des personnes qui a contribué à ce mouvement-là, qui est quelqu'un de l'INRS, Michel Aptel, qui dit le changement est essentiel parce qu'on est passé d'une pensée de ces pathologies comme une pensée en pathologie de métier vers une pensée de pathologie en termes qu'il appelle de termes ubiquitaires, c'est-à-dire qu'on peut les trouver dans pas tous les travaux, mais dans beaucoup de travaux. Ça traverse les spécificités de métier. Et donc c'est un basculement de pensée que de dire ça n'est plus un métier, une pathologie, mais il y a un problème général dans le travail. Il y a un problème large, en tous les cas, un problème large dans le travail, et qui est donc un problème d'époque. Là, on a donc un basculement entre une pensée professionnelle spécifique, métier, vers une pensée époque, tendance du travail, conjoncture dans la question du travail. Et ça, pour un historien, c'est un tremplin pour aller chercher ce qui se passe. Avant. Là, je prends combien de temps encore? Il faut me dire. Encore, je pense, 10-15 minutes. D'accord. 15 minutes. D'accord. Qu'est-ce qui se passe avant? C'est-à-dire avant que ne soient vues les pathologies vues par l'administration. J'ai dit que je prenais un pôle réglementaire administratif. Donc avant 72, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avant 72, on a quelque chose de quand même d'extraordinaire quand on y pense. C'est qu'on a une loi qui existe et on a des décrets d'application qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'en 1919, est votée une loi sur l'indemnisation des maladies professionnelles qui a mis longtemps à être votée après celle qui concernait les accidents, 20 ans de grosses controverses. Et on se dit, la loi est votée et voilà. Eh bien, la loi est votée et voilà pas. C'est-à-dire qu'entre 1919 et 1972, aucune maladie périarticulaire liée au travail n'est indemnisée parce qu'il n'y a aucun décret d'application disant on va créer un tableau dans lequel on va définir les maladies professionnelles susceptibles d'être indemnisées. En gros, quand la loi est votée, elle est votée avec des freins de quatre fers par, en gros, les représentants du patronat qui disent « c'est pas possible, on va pas pouvoir indemniser les maladies professionnelles, sinon ça va être un gouffre ». Ils le disent à peu près comme ça, en 1919, ça va être un gouffre. Donc, on ne peut pas empêcher, on va accepter deux maladies, celle du plomb et celle du mercure, et c'est tout. Et c'est le compromis qui se fait à ce moment-là. Les syndicats disent, on entrouvre la porte, et après, on va élargir l'ouverture de la porte. Et effectivement, ça se passe à compte-gouttes, ça se passe, c'est-à-dire qu'il y a des créations de tableaux progressivement. Alors, voilà, il y a des époques où on voit plus, par exemple les années 30 sont des années où on a création de tableaux assez nombreuses. Les années qui suivent la libération sont aussi des années où on voit des multiplications, et puis les années 80-90 aussi. Mais il y a des années où on a peu de création de tableaux, et donc des maladies qui attendent au portillon d'avoir un tableau en face d'elle. Et quand il n'y a pas de tableau, la porte n'est pas ouverte, il n'y a pas de possibilité de demander l'indemnisation. C'est ce qui se passe pour les maladies périarticulaires entre 1919 et 1972, au mieux. Au mieux, puisqu'encore aujourd'hui, même quand les tableaux existent, il y a une majorité sans doute de maladies qui ne sont pas déclarées et pas indemnisées. Donc l'écart entre maladies effectives et maladies indemnisées continue d'être extrêmement important aujourd'hui. Mais il y en a qui le sont avant, ça n'était pas possible. Là, vous avez une lettre, donc, de ce qui se passe avant, 63, une lettre que vous avez eu le temps de la lire un petit peu. En gros, c'est une lettre que je trouve, quand on tombe là-dessus dans les archives, ça fait un petit coup d'émotion, parce que vous avez une dame qui, extrêmement timidement, extrêmement humblement, demande au ministre de faire quelque chose, parce que c'est sûr, elle a une maladie qui vient, elle a une maladie, et la maladie n'est pas reconnue parce qu'il n'y a pas de tabou. Et la réponse, alors, est aussi impressionnante, la première surtout, après on s'y fait. La réponse est une réponse un peu timide, disant « J'ai bien reçu votre lettre, je suis désolé, il n'y a pas de tableau, on ne peut pas vous indemniser, mais on vous encourage à continuer de déclarer parce que peut-être que ça fera créer un tableau. » Donc la première fois, on dit vraiment, écrire une lettre comme ça, c'est se moquer du monde de façon violente. Après, j'ai un peu révisé mon point de vue là-dessus, mais voilà, en tous les cas, elle a une fin de non-recevoir. Et là, dans les archives, donc c'est les archives nationales, là, je vous ai sélectionné quelques cas de lettres qui sont exactement du même tonneau, avec des dates, 59 à 56, des endroits, des métiers, des pathologies et des réponses. Et là, on voit quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire que la Sécurité sociale ne dit pas toujours non à ces pathologies. La caisse primaire, quelquefois, dit oui. Mais c'est assez au-dessus, parce qu'il n'y a pas de tableau. Donc il y a des gens, en gros, qui, au niveau départemental, paritaire, ont dit « Ah, quand même, c'est pas possible, on fait quelque chose », on dit oui pour qu'elle soit reconnue, et au-dessus, on leur dit « Mais vous allez dans le mur, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de possibilité de reconnaissance ». Donc vous avez des directeurs départementaux, des directeurs régionaux, ou au niveau du ministère, une réponse négative. Il y a toujours, in fine, une réponse négative. Quand je dis toujours, pas tout à fait. Enfin si, à peu près toujours. Et c'est extrêmement mal. C'est justement pour... en gros, là, il n'y a pas de catégorie justement intermédiaire. Donc c'est oui ou non. Mais il y a quand même des choses à la marge. Par exemple, dans les mines, on voit que des contremaîtres déclarent comme accident des choses qu'aujourd'hui on considère comme maladie. Et alors, je suis tombé sur des cas de ce genre-là, où quelqu'un dit, je travaillais, j'avais rien du tout, et tout à coup, je me fais un tour de rein, déclaration d'accident. Alors là où c'était très très impressionnant, c'est que j'avais même des gens qui étaient des amis de cette personne qui fait une déclaration d'accident et qui, par amitié, disent « Oh ben je travaille avec lui, qu'est-ce qu'il en bat ? C'est un poste très très dur. D'ailleurs, il se plaignait depuis un bon bout de temps, il avait mal au dos, etc. » Et bing ! Qu'est-ce qu'il se plaignait depuis un bon bout de temps ? C'est que ce n'est pas un accident, c'est qu'il avait déjà mal. C'est une maladie, il n'y a pas de tableau, rejet. Voilà, mais on a donc toute une série de tentatives par la bande de contourner l'inexistence de tableaux permettant de reconnaître des maladies professionnelles périarticulaires. Et ça, c'est pour la situation de l'époque de la sécurité sociale, c'est-à-dire de 45 à 72. Dans les archives nationales, on voit aussi que l'administration n'est pas un bloc, mais qu'en gros, il y a deux pôles, un dialogue et un désaccord entre le pôle direction de la sécurité sociale et le pôle direction du travail. La direction de la sécurité sociale, pas en 45, mais à partir de la fin des années 40, la direction de la sécurité sociale depuis 45, essaye de poser la question et puis après essaye de faire créer des tableaux. Et la direction du travail qui contrôle la commission qui décide ou non de proposer des tableaux, cette direction du travail refuse en disant ça n'est pas net, ça n'est pas convaincant, accident ou maladie, on n'est pas sûr, est-ce que ça vient du travail, est-ce que c'est lié aux personnes, on n'est pas sûr, etc., etc. Donc il y a doute, comme ça se fait pour énormément de maladies. De problématiques de reconnaissance de maladie professionnelle. Mais on a des traces de ça, et on a même des traces donc de poussée de la part du directeur de la sécurité sociale, disant on veut que vous acceptiez, c'est pas possible de ne pas reconnaître certaines pathologies, et l'autre qui dit qui fait tourner en rond. Et pourquoi ça change alors ? En gros, ce qui fait que ça change, ce n'est pas forcément le seul facteur, mais il y a au moins deux éléments que j'ai repérés. Premièrement, il y a de nouvelles contestations syndicales sur le travail dans les années 60, d'ergonomes aussi, qui sont liés, d'experts ergonomes qui interviennent dans les années 60 sur de nouvelles formes de pathologie au travail. Donc, production scientifique, production d'expertise. Et, deuxième intervention, qui est peut-être la décisive, l'Europe. Et là, dans les discussions à l'échelle de la communauté européenne de cette époque-là, c'est-à-dire les 6 pays de l'Europe du marché commun, il y a des discussions sur le fait qu'il faudrait arriver à harmoniser un tableau européen. Il y a des pays dans lesquels on a déjà des pathologies périarticulaires qui sont reconnues, et des pays qui sont en retard, la Belgique, l'Italie, la France. Et donc la France est un petit peu poussée par d'autres qui disent « Là, vous exagérez, c'est pas possible de garder votre position. » Je saute à l'époque un peu antérieure, avant la Sécu. Et avant cela, les années 30 sont des années intéressantes parce que là, je vous mets donc des extraits d'une publication scientifique dans une revue de médecins du travail qui repère qu'il y a au moins 3 pays dans lesquels on a des pathologies qui aujourd'hui rentrent dans le TMS, qui sont là très très spécifiques, hein, très très spécifiées, mais qui sont indemnisées. Donc l'Union soviétique, la Tchécoslovaquie et l'Angleterre. Ce qui veut dire que là, on a vraiment une trace très très nette d'une différence nationale ou internationale du point de vue de cette reconnaissance dans les années de l'entre-deux-guerres pour nous. Et ça, les scientifiques le voient, la circulation se fait là-dessus. Il y a donc encore une fois là un décalage assez net entre dynamique scientifique, dynamique d'expertise et dynamique administrative qui est une dynamique nationale. Voilà, je saute, mais là, très très vite. Hein, c'est juste pour une mise en bouche avant 1919. Qu'est-ce qui se passe ? pour moi, c'est un grand flou avec quelques repères quand même. Dans le 19e siècle, il y a des recherches de médecins qui prolongent ce qu'avait fait Ramazzini sur des pathologies liées au travail, ou liées au métier d'ailleurs, pathologies liées au métier ou aux emplois, et où on repère un certain nombre de pathologies qui sont des pathologies de type périarticulaire liées à des métiers. Mais là, la pensée est une pensée métier-pathologie. Donc, adéquation entre métier et pathologie. Et c'est la pensée extrêmement forte, extrêmement lourde du 19e siècle. Et je vois, dans la publication que j'indiquais tout à l'heure, donc Vernois, 1864, un inventaire des métiers qui ont des pathologies de ce type-là. Deuxième partie du texte, plus courte, un inventaire inversé, c'est-à-dire un inventaire des pathologies qui repère les métiers dans lesquels on trouve ces pathologies. Et troisième partie, hyper courte, une demi-page, la valeur. Je me disais, mais qu'est-ce que la valeur? Qu'est-ce que c'est que ce mot de valeur? Et là, c'est à prendre au premier degré, c'est-à-dire quelle est la part de la pathologie qui est liée au travail. Et il y a une phrase tout à la fin qui dit, ce monsieur qui a fait donc son mémoire de 60 pages, je crois, il dit, j'ai fait ça pour aider les experts dans les tribunaux. Donc, en 1864, il y a un médecin qui publie quelque chose qui sert à guider les experts dans les tribunaux sur les pathologies de la main, que ce soit les pathologies de la peau, qui sont les plus nombreuses, mais que ce soit aussi les pathologies périarticulaires. Là, c'est lié au métier. Des gens de métier qui demandent à être indemnisés parce qu'ils estiment que c'est l'emploi dans lequel ils ont été mis qui a suscité les pathologies qu'ils ont subies. Donc il y a des controverses avec ce repérage-là. Mais à la fin du 19e, et c'est ma conclusion, à la fin du 19e, on a déjà, un peu comme on l'a dans les années 1980-90, un changement de pensée sur ces pathologies, parce qu'on voit arriver des pensées des pathologies du travail en termes d'époque. On a énormément de publications sur l'usure au travail, énormément de publications sur la fatigue, et donc ça, c'est transmétier, ça traverse les métiers. Donc à la fin du 19e siècle, on a, comme on l'a dans les années 1980, en gros un basculement d'une pensée de ces pathologies en termes métier, activité, vers une pensée en termes de « il se passe quelque chose dans le monde du travail ». Voilà, et donc vous voyez bien que c'est en cours d'exploration. Merci. Alors on va prendre du temps pour des échanges. Est-ce qu'il y a quelqu'un veut lancer? Il y en a déjà eu un petit peu en cours de route, mais il y en a sûrement d'autres. Oui. Est-ce que par rapport à la courbe que vous avez montrée, les années 82-83, est-ce qu'il y a une relation avec les lois Auroux qui ont permis peut-être à travers les CHSCT plus de. Là, c'est au doigt mouillé que je répondais. Je ne le sais pas. On peut supposer que non. Au début, je me suis dit, s'il y a création de tableau en 82, c'est la gauche. Et pour l'instant, il n'y a rien qui dit ça. Par contre, ce que vous dites est sans doute plus vraisemblable, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène de sensibilisation qui passe par différents canaux. Hein, du fait que il y a dans les syndicats, c'est ce que vous avez dit à la fin de l'intervention, c'est ce que Robin a dit à la fin de l'intervention, mais ça commence plus tôt, c'est-à-dire dans les syndicats, il y a des déplacements de curiosité, d'intérêt, des endroits qui sont jusque-là considérés comme stratégiques, c'est-à-dire CE d'abord, DP ensuite, et après CHS ou CT vers CHS CT. Mais ça se fait au niveau de personnes à l'intérieur des sections syndicales dans les années 70, un peu, dans les années 80 aussi, mais de façon forte, c'est-à-dire le moment où les ténors des syndicats se mettent à changer de boutique, en gros, d'instance, je pense que c'est plus tardif. Mais on a, je pense, dans les années... On a toujours, donc, dans les syndicats, des gens qui sont un peu, qui sont particulièrement sensibilisés à ces questions-là, mais qui sont plutôt un peu minoritaires, mais qui font du travail de sensibilisation. Et puis, il faudrait regarder, mais ça, pour l'instant, personne n'a fait l'histoire de ça, c'est-à-dire l'histoire des déplacements à l'intérieur des sections syndicales, entre fonction CHS puis CHSCT, ou CT, CHS et CHSCT, et les autres, donc CEDP. Il faudrait faire des... Il y a une seule recherche faite là-dessus sur les usines Perrier. Mais c'est plutôt plus tardif, c'est plutôt sur les années 90 à 2000. Donc c'est une histoire très très proche. Et là, en gros, c'est quand même les ténors du syndicat qui se prêtent à basculer. Et je pense que la question que vous posez, elle concerne plutôt des gens des niveaux moyens à l'intérieur des sections syndicales. Des gens qui ne sont pas des marginaux, comme c'était un peu le cas dans les années 70, mais qui ne sont pas encore non plus les patrons des sections. Donc, il n'y a pas. Donc, c'est une hypothèse vraisemblable, mais il faut la garder comme hypothèse. Oui ? Où est-ce qu'on peut récupérer des informations par rapport à tout ce qui est indemnisation de TMS? Vous voyez l'aspect réglementaire, un petit peu juridique, pour renseigner éventuellement les salariés. Nous, on a quelques lacunes là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui. La situation actuelle? Oui, comme ça, je pense que c'est vraiment à l'intérieur des structures confédérales ou fédérales qu'il faut les trouver. Qu'il faut les chercher en tous les cas, qu'il faut les chercher. Parce que je veux dire que si elle n'existait pas, il faudrait qu'elle soit financée. Quel genre de questions de réglementaire, surtout les conditions de voir un dossier. Comment on fait, comment remplir un dossier, quelle chance il a d'être. Entre autres, ça démarre là, mais jusqu'à. Si vous voulez, une indemnité derrière, comment une personne peut faire valoir ses droits dans l'entreprise, oui. Si vous voulez. Plus occuper son poste en dehors des accords d'entreprise, quel soutien quel... Là, à mon avis, là où c'est vital, c'est dans les structures fédérales ou confédérales. Je pense que c'est ça. Et donc, si jamais ça manque, il faut pousser jusqu'à ce que ça existe. Après, de façon indirecte, il y a. Hein, c'est-à-dire que je pense que l'INRS a quelque chose, mais c'est pas forcément pensé, rédigé, organisé d'une façon opérationnelle telle que vous voudriez que ça soit présenté. Oui. Il y a aussi les questions des formations syndicales. Hein. Oui. Ce qu'il faut voir, c'est que au niveau CGT, au début, les CHSCT, c'est le dernier rôle des carrosses. Donc, on mettait le dernier venu au CHSCT et démerde-toi, tu fais ton travail, on s'en fiche, mais démerde-toi, on ne veut pas en entendre parler. Et avec la réalité du travail dans les entreprises où il y a une augmentation des troubles musculo-squelettiques, de la souffrance au travail et tout ça, les syndicalistes ont été mis en face des problèmes. Et que donc, il y a eu... On a essayé de faire un renversement, et ce qu'on disait avec Serge Dufour, quand on était dans la confédérale, c'est qu'on demandait une véritable révolution culturelle au sein des sections syndicales. C'est-à-dire partir de la question du travail pour pouvoir émettre des revendications et des propositions. Et à partir de là, il y a la question des formations des militants. Militants CHSCT, militants syndicalistes de base, où il fallait pas... on avait inversé la formation CHSCT, parce que le CHSCT avant, moyen, qu'est-ce que c'est que le CHSCT, moyen, tout ça. Et au moment où on a refait les formations, on est parti de la question du travail, qu'est-ce que c'est que le travail, qu'est-ce qui se joue dans le travail, la santé, le lien travail-santé, et à partir de là, quels sont les moyens pour pouvoir préserver la santé au travail avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire CHSCT, DP, médecine du travail et toutes les institutions qui s'occupaient de santé au travail. Je crois qu'il faut voir les choses comme ça. Mais effectivement, au niveau des confédérations syndicales, on a eu des freins très forts, parce qu'il y a eu toute une lutte, et ça continue. Je ne suis pas très optimiste. Une lutte entre les tenants de l'ancienne, entre guillemets, forme syndicale, qui était partir de l'emploi, du salaire et des retraites, sans parler du travail et de la santé. Et l'autre façon de faire, partir du travail et de la santé, et voir à travers les lunettes du travail et de la santé la question de l'emploi, des salaires et tout ça. Et remettre ça au centre, le travail au centre, ce qui permet, par exemple, au niveau de l'emploi, oui, on veut développer l'emploi, d'accord. Mais si dans l'emploi, le travail qui est fait amène la destruction de la santé ou amène la mort, ça ne sert à rien. Les questions des primes de risque, par exemple, aussi. Tout ça, ça. Et la question de la retraite, vu par ces questions-là, on voit d'une façon ou autre. Oui. Oui, j'avais une question. Une, puis l'autre. En fait, c'est pas une question, c'était un commentaire par rapport aux questions de reconnaissance de la vie professionnelle, mais vite fait. Hein. Je voudrais rappeler un article de Livre Clore de d'Angers qui est sur les lombalgies et qui est en gros le contenu, c'est au niveau individuel des personnes nées, est-il intéressant de se faire reconnaître en maladie professionnelle. Et la réponse pour les lombalgies est souvent non. Et pour les TMS qui en ont supérieur, la réponse souvent est non aussi, parce que ça ne présente pas beaucoup d'avantages financiers et ça présente d'autres inconvénients. En particulier, on ne pourra pas, si je ne peux pas, passer en invalidité. Or, pour les gens qui ne peuvent plus travailler du tout, le mieux, c'est de passer en invalidité. Alors, le mieux, vu les conditions, vu les conditions actuelles, hein, mais en tout cas, c'est forcément, je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, mais c'est forcément une question qui se pose. Mmh. Et quand j'en discute avec mon collègue Alexis Descata, il dit, par exemple, pour les maladies du butrin, quand il voit des malades qui ont ça, pour un certain nombre d'entre eux, raisonnablement, il ne faut pas essayer de se faire reconnaître en maladie professionnelle, ça ne présente aucun intérêt. La question de l'articulation entre l'individuel et le collectif aussi, parce que pour la prévention non plus. Au niveau individuel, pour la personne elle-même, parce que c'est. Par rapport à déconnecter. Je parle du niveau individuel, le conseil qu'on peut donner à un médecin à son malade. Oui, avant que le débat irrépressible ne démarre. Autre question. Oui, j'avais une question sur quels sont les ressorts idéologiques qui, dès la fin du 19e siècle, disiez-vous, a contribué au basculement de la pensée TMS en tant que pathologie de métier vers TMS en tant que pathologie d'époque, montrant qu'il y aurait quelque chose de pourri dans le travail. Je pose cette question-là parce que c'est la question un petit peu qu'on se pose syndicalement par rapport aux nouvelles formes d'organisation du travail. Je pense par exemple à Karasek aussi, qui montre d'une certaine manière l'explosion des pathologies cardiovasculaires, anxio-dépressives et des TMS avec les situations de pression psychologique et de moindre autonomie. Alors, on a l'impression que la pathologie d'époque, elle serait liée à une nouvelle forme d'organisation du travail des années 90, mais vous disiez que cette idée-là était déjà en germe dès la fin du 19e siècle. Alors, ce que j'ai dit, c'est pas l'idée qui était en germe. C'est pas en germe. Il y a en gros je crois, est-ce qu'on peut parler d'un quelque chose qui ressemble à une inversion et qui est similaire. Donc, une pensée métier vers une pensée époque. Voilà. Mais c'est pas... Non. oui, ou un cadrage métier vers un cadrage époque. Mais les pensées sont un peu différentes et l'idéologie sous-jacente est un peu différente de ça. Alors, pour parler du 19e, la fin du 19e, en gros, c'est très la question des emplois au 19e est extrêmement forte, c'est-à-dire qu'on a presque une naturalisation des gens dans leur emploi. Hein, les cochers du Puitrin, c'est un cocher. Quoi. C'est un cocher, on n'imagine pas que ce soit un citadin. Voilà, il est coulé dans son identité de cocher en totalité. Et donc la grosse question, c'est de savoir si c'est son activité de cocher. Mais en gros, d'ailleurs, le chirurgien ne se pose pas trop la question. Il dit, voilà, j'opère des tas de cochers. Et voilà ce que je trouve quand j'opère les cochers. Que son cocher. Parce que ces autres malades, oui, ce n'est pas des cochers. D'accord. C'est des gens de sa catégorie sociale à lui. Ah oui. Il n'opère que... Un seul. Il opère son cocher. La maladie du cocher. D'accord. Parce que son cocher, il le connaît. Mais il n'opère pas des tas de cochers parce que les autres cochers, ils ne vont pas voir un spécialiste comme le comte de Dupuytren. C'est social, hein. Donc il y a d'autres maladies où ça se... Où d'autres maladies qui sont... Enfin, de façon générale, elles sont typées métier. C'est-à-dire, il y a celui qui fabrique les tonneleurs. Bon, c'est la maladie du tonneleur qui tient le marteau, qui a mal au poignet. Il y a une maladie passionnante, c'est celle des télégraphistes, à la fin du 19e, parce que on a un métier nouveau, un métier tertiaire, des pathologies périarticulaires. C'est la première pathologie périarticulaire indemnisée en Angleterre. C'est pas une pathologie ouvrière, c'est une pathologie de quelqu'un qu'on classerait comme tertiaire aujourd'hui. Et elle est pensée comme métier alors qu'elle renvoie à quelque chose d'un peu différent, qui est les conditions de travail des télégraphistes. L'idéologie de cette époque-là est un peu, en tous les cas pour l'instant, je la connais mal. Ce que je repère, c'est que les syndicats protestent en termes d'usure au travail, ou d'usure des travailleurs plutôt. Et les exemples qu'ils donnent sont des exemples complexes. C'est pas principalement des pathologies périarticulaires. C'est les poumons usés par les poussières qu'on a inhalées. C'est des choses comme ça. Donc qui renvoient plutôt à des formes d'empoisonnement ou détérioration par l'environnement du travail plutôt que l'activité gestuelle ou les postures. Donc il faut faire attention au risque de maldonne, de malentendu sur l'emploi du terme d'usure à cette époque-là. L'usure, c'est usé par le contexte dans lequel les gens ont été mis à travailler. Donc ce sont les syndicats, et on voit des montées en puissance des articles ou des livres de gens qui sont soit syndicalistes, soit experts pour les syndicats, là-dessus. Et c'est traduit par les médecins en termes de fatigue au travail. Et là, c'est un détournement qui est vraiment scientifique et surtout idéologique, parce que la question de la fatigue, ça renvoie à la pensée du corps humain comme une mécanique et comme énergie. Et il y a énormément d'économistes et de médecins qui, à partir de la fin du 18e et dans le 19e, disent qu'il faut qu'on fasse de l'économie physiologique, en gros, des ressources énergétiques que sont les corps. Et donc, eux, ils font des calculs, ils font des observations, etc. Et ce qui les intéresse, eux, et moi, ça, je trouve ça très étonnant sur cette question des affections périarticulaires, c'est qu'ils disent vraiment, il faut penser le corps comme une mécanique. Et tous ceux qui ont fait de la mécanique savent que ce qui est important dans les mécaniques, c'est les articulations. Hein, c'est là où une partie frotte avec une autre. Et aucun de ces médecins ne publie sur la question des articulations. Ce qui les intéresse, c'est les muscles, c'est-à-dire ce qu'il y a à côté des parties fixes du corps, et pas les tendons, et pas les ligaments, etc., etc. Pas les cartilages, donc ce qui est extrêmement sensible dans les pathologies périarticulaires. Et cette question de la fatigue est la question qui domine les publications médicales à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et il y a toute une série de choses sur la machine humaine qui sont des choses sur donc, les ressources énergétiques et la surconsommation d'énergie qui amène donc à des formes d'excès de sollicitation de l'énergie, des ressources énergétiques des corps. Et toute une série de contre-publications sur le fait que non, la fatigue c'est plutôt un bon signe parce que c'est un signe d'alerte, le corps se protège quand il exprime la fatigue. Voilà. Mais la question des pathologies péri-articulaires est encore donc, en termes scientifiques, refusée, n'est pas une question à ce moment-là où on raisonne en termes de il y a un problème d'époque. Alors, une dernière série de questions, je crois qu'il y a Robin Fouque et d'autres personnes. Quand on regarde les déficits qui sont marqués là, on voit qu'il y a un travail sémantique pour déconnecter la reconnaissance d'un syndrome, d'une pathologie, du métier. Donc, on a une montée en généralité des termes pour éviter de les coller à un métier. On a l'impression que dans les années 30, enfin en 35, en tout cas, on veut complètement dissocier la maladie d'un métier, une identification avec un métier. Par exemple, ce livre-là, causé par les études particulières de nécessité. C'est-à-dire qu'il y a une vraie montée en généralité transmétier. Là, il y a plusieurs points de vue. Non, mais quand on regarde. Plusieurs intervenants et plusieurs points de vue. Il y a vraiment un représentant patronal, il y a un médecin qui est plutôt patronal, un qui n'est pas tellement. Donc, vraiment, cet extrait-là, c'est un extrait dans lesquels on voit vraiment qu'il y a débat là-dessus. D'accord. Alors, je ne sais pas comment ça s'est conclu, ce débat en 35. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est faire le parallèle avec la psychopathologie. On voit, c'est une identification avec un névro de la téléphoniste. On a toujours la communication. C'est plus le télégraphiste, c'est la téléphoniste. C'est le texte de Louis Le Guillon sur les vols qui dissocie la question des maladies mentales, psychiques, d'un métier particulier. Et l'étude sur la VACMA va amener encore plus loin Jean-Jacques Moscovitz à poser la question de la dimension psychanalytique avec comme espace aussi le métier, mais pas uniquement, comme révélateur de la psyché générale. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y a un décalage de 30 ans, quasiment, entre les médecins biomécaniques, entre guillemets, et les psychos. C'est-à-dire que on a la même évolution de dissocier les pathologies du métier en psychologie du travail, ça apparaît dans les années, début des années 60. Du point de vue des savants, enfin, du point de vue. Les chercheurs dans ce domaine, pas du point de vue. C'est le cas, là c'est pas bien. Avant que tu répondes, on prend Gilles et moi, je voulais poser le premier. Oui, je voudrais revenir sur la question des maladies professionnelles. Une maladie, moi en tant que médecin syndicaliste, une maladie professionnelle doit être déclarée. Pour l'individu, c'est important d'être reconnu en maladie professionnelle et ils sont protégés aussi par le statut de maladie professionnelle. Secondo, la maladie professionnelle, la réparation se fait par la caisse des accidents de travail et maladies professionnelles, qui est abondée par les entreprises. Sinon, ça passe au niveau du régime général et c'est la société qui paye pour les dégâts que font les patrons. Ça, ce n'est pas possible. Les entreprises doivent payer pour les risques, les conséquences des risques qu'ils font courir. Voilà. Non mais je veux que ça soit clair, hein? C'est pas vrai. Après il y a des mais entre les règles et n'a jamais protégé contre un licenciement ou une aptitude. Mais peut-être ce débat-là nous écarte un peu. Peut-être. Je voudrais revenir pour un peu au niveau des troubles musculosquelettiques. Quels sont quelle est l'opération qui a été faite par les patrons et par le gouvernement au niveau de la commission maladie professionnelle du du Kant, qui est ancien CSPRP, au niveau des troubles musculosquelettiques épaules. Le 57A a été révisé et ils se sont appuyés sur des dires d'experts, dont paraît-il Rockler, pour dire il faut faire baisser ce nombre, le nombre de reconnaissances et le nombre de déclarations. Et comment on va faire? Ben, en changeant les critères. Bon, écoutez, Yves Rockler n'est pas là. Pour... Non, j'attaque pas Rockler. J'attaque pas forcément. Mais c'est le moyen que prend le gouvernement et les patrons pour faire diminuer le nombre de maladies professionnelles. On met des critères. En plus, on rentre sur la notion de présomption d'origine, parce que c'est au travailleur de prouver qu'il a été exposé et la durée de l'exposition. C'est dommage que mon collègue Alexis Descata ne soit pas là, parce qu'il il m'a raconté vaguement la façon dont ça a été horriblement conflictuel pour cette révision. Je voudrais qu'il soit là pour répondre. Si je peux me dire, madame Dernier, je pense que ça, en fait, ce que ça soulève comme question de fond intéressante pour toutes les questions de reconnaissance en aide, c'est justement le fonctionnement actuel de cette commission dont tu parles, et justement les rapports de force qui s'y jouent, et la place d'arbitre que le ministère du Travail est censé jouer. Et que, dans les dynamiques et la politique qui est menée par le gouvernement, par la Commission européenne, sur ces questions-là, sur la question du travail, qui fait disparaître toute réglementation. On va vers une dérégulation avec l'application de RIFI, tout ça. Bon, je ne vais pas Alors, une question qui est un peu différente, je voulais revenir sur la question qui avait été dite à un moment pendant ton intervention par Annette Leclerc sur cette question des logiques transnationales. Alors, toi, tu les soulignes surtout dans les milieux scientifiques. Alors, je voulais quand même savoir si c'était essentiellement pour toi, dans ce que tu as observé, surtout des relations justement entre chercheurs, entre experts, etc. Ou si, par exemple, est-ce que le BIT a joué un rôle important justement sur la liste des maladies professionnelles? Est-ce qu'il y a eu à un moment au niveau du BIT une demande à ce que ces maladies-là soient inscrites justement dans cette liste du BIT? Ou est-ce que toi, est-ce que tu as croisé des choses autour de BIT ou ailleurs? Mais en tout cas, voilà, une logique un peu de mobilisation transnationale au-delà des seuls espaces scientifiques. Il y a une collègue qui finit une recherche sur le BIT et la santé au travail dans l'entre-deux-guerres, qui va soutenir son HDR à l'automne. Donc, en gros, ce terrain-là, moi, je ne l'ai pas exploré. Ce qui est sûr, c'est que le BIT fonctionne comme lieu d'expertise à la fois inter- et transnationale, l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des représentants d'État et à la fois, il y a des savants qui jouent un rôle à côté. D'ailleurs, les choses se font dans les deux sens. Il y a aussi, elle a repéré, le fait qu'une grande partie des experts qui sont sollicités pour leurs connaissances scientifiques sont remplacés par des gens qui sont des médecins de l'administration. Donc, il y a un jeu dans les deux sens entre gens qui interviennent au niveau du BIT en tant que savants, en groupe, et dans des puissances publiques qui se rencontrent là, et des gens qui sont des représentants des puissances publiques et qui sont convoqués là parce qu'ils sont médecins spécialistes de ceci ou cela, mais qu'ils ont été détachés et qu'ils sont fonctionnaires dans le ministère de tel ou tel pays. Le BIT joue, les animateurs en tous les cas, les animateurs du BIT jouent beaucoup sur la mise en place de circulation, d'expertise, pour diffuser, puisqu'il n'a aucune autorité, pour diffuser, pour faire avancer toute une série de connaissances scientifiques, de représentations expertes et de décisions administratives, ça c'est sûr. Mais en gros, il y a un jeu un peu complexe d'acceptation du transnational au niveau d'expertise BIT et tentative de reprise de contrôle des États sur cette circulation. Voilà, j'en dirai plus en novembre. Enfin, j'en dirai plus à la fin de l'été, plutôt. Je me suis la question de la lutte entre l'ISO, les normes ISO et l'OIT. Mais là, c'est avant l'ISO. Hein. Puisque, je pense que c'est la même chose après. Ce qu'il y a, c'est que les normes installent des standards, donc c'est une puissance de conviction, ou en tous les cas une puissance d'appel plus forte qu'avant qu'existent les normes ISO. Dans l'entre-deux-guerres, ce que fait le BIT, c'est simplement au maximum, c'est ça, c'est de faire savoir qu'en URSS, ça y est, ils ont fait ça. Et d'organiser des colloques où des gens de l'URSS se font bien voir en disant, ben voyez, nous on est bons, et les autres se disent, on n'est pas bons, etc. Hein? C'est plutôt cette espèce de jeu d'influence. Le BIT fonctionne essentiellement par jeu d'influence au niveau de l'expertise. Et donc ce jeu d'influence est complexe parce qu'il y a des scientifiques et il y a des représentants administratifs. Et il y a les gens qui sont les deux. Donc, ce que je dis, c'est la contradiction entre l'inversion du droit qui donne les normes d'abord, les normes qui sont d'application volontaire et déterminées par les grandes entreprises anglo-saxonnes, et le droit, la loi, qui devient secondaire par rapport aux normes. Secondaire, je ne suis pas tout à fait sûr. Hein. Parce que quand même, la loi... Dans la perspective d'avenir. Ah, ça je ne sais pas. Vraiment, l'avenir, c'est pas mon genre. Non, j'ai aucune compétence.